dialoguer. Du mal à dialoguer avec ceux qui portent le béret. On essaye de se libérer, mais nous sommes des prisonniers. Des hommes enterrés pour l'oseille, les intérêts. On ne fait que d'espérer, mais notre espoir s'est vidé. On désespère dans le vide, nos idées. Tous les yeux bridés, tous nous sommes guidés. Ridés des soucis qu'ils nous ont affligés. J'ai pigé leur acte, pigé leur plan. J'ai 21 piges mais je n'ai pas vécu autant. Je n'ai pas eu d'enfance donc je vis et je compense. La jeunesse n'est pas celle qui font croire à la France. Ce qu'ils disaient de nous, il paraît qu'on s'en fout. Président je t'avoue, t'as foutu ta merde partout. C'est vrai qu'on peut plus respecter ces rues. Mais c'était voulu, cette ambiance de faux cul. D'un vieux sage. Et les médias veulent nous faire passer pour des singes. Sur TF1, ils nous stigmatisent. Ils retournent les histoires, puis ils dramatisent. Nous, on sonde dans la tise. Quand eux se font la bise, te demande pas pourquoi mes frères tombent dans le bise. Nous, on tombe dans l'oubli. Sans faire, on se replie. Ils créent notre misère et s'en tapent, ça fait pas un pli. Je ne dis ce que je vois, prêche ce que je crois. Vis ce que je dis, vous êtes tous. Sors la loi, vous avez perdu la foi. Ainsi que l'honneur et le respect. Le gouvernement s'en fout de nous, respecte pas notre espèce. C'est vrai qu'on s'en bat de la vie et de l'avenir. C'est vrai que l'État ne fait que nous bannir. Je respire, j'ai vu pire, plus rien me fera souffrir. Je ne cache plus ma force car elle me permet de construire. À côté de ça, combien de jeunes se sentent déjà isolés. Ce que je vois, j'en suis désolé. On peut pas les raisonner. Par le poids des soucis, nos tempes commencent à grisonner. La monnaie nous tient prisonniers. Ils nous mettent dans la merde, puis nous reprochent de zoner, nous reprochent de chômer. Mais c'est sûr que c'est pas le McDo qui nous fera atteindre des sommets. Ils nous repoussent jusqu'au bord du gouffre. Ce qui pousse certains à faire des trucs de ouf pour fuir la misère, esquiver la schizo. Mais eux découpent nos ailes à grands coups de ciseaux. Une autre vision, y'a plus de mariés qui voudraient mettre un enfant au monde en ces temps d'aliénés. On a beau crier.